Ok. Phénoménal prod. L'orfèvre. Truc de baiser. Oh. Débuté ma carrière avec une dalle de baiser. Derrière un chromé comme un leur disque, cache derrière sa CC. Je te raconte pas ma vie, négro, tu vas te sentir agressé. C'est pas de la musique, c'est de la guerre, enculé. On voit des flashs où je vois ma mère qui met de l'huile dans ses pattes, hey, ouais. J'en ai déduit que pour grailler, y'aurait des pattes agressées. Tu dis que t'es rappeur quand tu rappes, c'est aussi vrai que pour être rasta, il suffit pas de fumer de la peur ou d'avoir les chars dressés. Voilà venir le drame. J'suis venu au monde à l'hôpital pour y repartir froid avec le corps percé. Bien sûr que la courbe de la délinquance aura du mal à s'inverser. Tant qu'on a compris que pour réussir, y'aurait du sang à verser. 400 yens, style de vie. Criminel, philosophie, si, si. Me demande pas si j'ai de la peine pour ces bâtards de la barre qui se font fumer. J'en ai autant pour ceux qui parlent mais qui ne peuvent assumer. On aurait pu faire de l'oseille, faire des refrains qui donnent la nausée. Mais je suis pas prêt à tout pour exploser. Je porte une barbe, c'est pas pour ressembler à ce gros bâtard de rosé. Les gros te flippent pas aux apparences, je suis à sec mais je peux t'arroser. Blessé, blessé, blessé. J'suis pas un enfant de la tasse. Mon daron chez où y'a pas de papa ou des ok. Le rap c'est une voiture péta, un style de voiture bélier. Tu retrouves des plaques 9-4 dans les distributeurs de billets. Et j'porte mes cicatrices comme des putains de trophées. Parce que l'amitié est précieuse, mon cœur est un coffret. Y'a un tas de trucs que j'peux pas dire comme un putain de procès. Évidemment qu'il y aura du sang sur nos projets. J'suis en mode guerre depuis mes premiers pas passés dans la street. Le smic c'est comme un film de cul sans pouvoir baiser l'actrice. 9-4-3 négro c'est ma ville. Certainement que j'y finirai ma vie sous le regard de la police aigrie. De leur putain de vie qui donne la déprime. On sent pas l'air clair, oui. Si, si, voilà du rap de youth. Sous les impacts de la douille, la violence gagne toujours dans le hood. Gros, déterminé, toujours prêt à trimer dans le game refrain. J'suis comme un coup de schlasse froid et précis dans la gorge d'un teutrait. Rap sale, marginal, t'as les déshérités. J'ai plus confiance en mes ennemis qu'en ma carte de retrait. J'irai au bout du monde s'il le faut pour égorger mes regrets. J'peux pas écouter ce qu'ils écoutent, ça me donne comme des rejets. C'est vrai qu'on a semé la merde, donc on l'a récolté. Dans cette époque où les rappeurs se baladent en décolleté. J'ai vu des plaintes s'inventer, des couplets révoltés. Pour anesthésier leur public, pour mieux les carotter. Baiser, baiser, baiser. J'ai un petit creux ma gueule, mon plat préféré sera toujours un bon poulet braisé. Baiser, baiser, baiser. J'suis dans la street, si tu me cherches, faut pas faire sonner mon fontaine. Si t'as rien à teaser.